Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le Burundi compte maximiser les revenus du secteur des mines et carrières en vue de booster l'économie nationale. Le Conseil des ministres est tenu mercredi a ainsi adopté un projet de décret portant modalités d'application du Code des miniers du Burundi. Vous entendrez le secrétaire général de l'État. Le ministère burundais de la Santé déplore que le pays comporte encore un nombre élevé d'enfants séropositifs chez les enfants d'au moins de 4 ans, ce que déclare Lidwine Baladahana, ministre de la Santé et de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, le monde célèbre la journée de lutte contre le sida. Des pluies mêlées de grêle au cours de la semaine écoulée ont endommagé des cultures et maisons sur différentes collines de la commune Gashikanwa en province Ngozi. Et puis le président kenyan William Ruto est depuis ce 30 novembre président de la communauté est-africaine en remplacement du président du Sud-Soudan. C'est après le 24e sommet ordinaire des chefs d'État de cette communauté à Arusha en Tanzanie. Alphonse Kubgimana assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président kenyan William Ruto préside dès ce 30 novembre la communauté est-africaine en remplacement du président sud-soudanais Salva Kiir pour un mandat d'une année. Au terme du 24e sommet ordinaire des chefs d'État de cette communauté à Arusha en Tanzanie, étaient présents au dit sommet les présidents kenyan, tanzanien, rwandais, sud-soudanais, ougandais ainsi que le délégué de la RDC. Le Burundi a été représenté dans ce sommet par Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi. Lors de ce sommet, le français est devenu la langue de travail au même titre que l'anglais et le swahili. Ce 24e sommet a également été l'occasion d'opprimer les élèves du secondaire qui se sont distingués dans un concours de dissertation en anglais sur le sport. Le Burundais Joy Gray Dushime de l'école de référence Les Chérubins de Gasekewuye a représenté le pays. Le président du comité d'organisation de la caravane du flambeau de la paix fait savoir qu'au cours de la caravane de ce flambeau, il a reçu des doléances de la population lésée. Il donne ici l'exemple des propriétaires de parcelles qui ont été pris dans les périmètres du palais présidentiel d'Ikwanare et qui n'ont pas encore été indemnisés. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, ordonne qu'un rapport détaillé soit confectionné et qu'il sera question d'y statuer dans les jours à venir. Ce samedi se clôturait à Kayanza la 18e édition de la caravane du flambeau de la paix. Patrick Nsengiyumva. La caravane du flambeau de la paix, 18e édition, a été clôturée au chef-lieu de la province Kayanza ce samedi. Dans son discours, Epipo Debaranikwa, président du comité des caravaniers, a fait savoir qu'au cours de 22 jours qu'a dilé la caravane, il a recueilli des doléances de la population, surtout les habitants de la ville de Bujumbura, dont leurs propriétés ont été prises par le gouvernement burundais pour la réalisation des projets de l'État, mais qui n'ont pas été indemnisés. À ce sujet, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a demandé au comité d'organisation de la caravane et du flambeau de la paix d'élaborer un rapport bien détaillé de toutes les questions collectées afin d'y trouver solution les jours à venir. Vous saurez que la clôture de la caravane et du flambeau de la paix de ce samedi a été aussi une occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à la paix, une journée qui est célébrée par le monde le 21 septembre depuis Kayanza. Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le Conseil des ministres tenu mercredi a adopté un projet de décret portant modalités d'application du Code minier du Burundi en rapport avec la prospection, la recherche géologique, l'exploitation minière et la carrière industrielle. Le secrétaire général de l'État indique que le but est de maximiser les revenus de ce secteur et ainsi booster l'économie du pays. Suivez plutôt Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Le gouvernement du Burundi a opéré d'importantes réformes, y compris le cadre légal, pour rendre le secteur des mines et des carrières un levier de développement socio-économique du Burundi. C'est dans ce cadre que la loi portant code minier du Burundi a été mise en place en 2023. Pour la mise en œuvre de cette loi, il s'est avéré nécessaire de mettre en place ces textes d'application. Compte tenu des attentes du secteur minier, des substances minérales riches et variées dont dispose notre pays, la valorisation de l'exploitation rationnelle de ces substances peuvent contribuer significativement à la croissance économique. Ce projet de décret vient préciser les modalités de prospection, de recherche géologique et d'exploitation des mines et des carrières. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant des corrections de fond et de forme. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Par la santé, à présent, je vous l'avais dit dans le titre, le Burundi compte encore un nombre élevé d'enfants séropositifs et chez les enfants d'au moins de 4 ans, nés des mères séropositives. Déclaration du ministre de la Santé au moment où ce 1er décembre, le monde célèbre la journée de lutte contre le sida. Lidwine Baladahana déplore également que malgré les efforts fournis, des cas de séropositifs restent élevés dans la tranche des jeunes de 15 à 24 ans. Suivez. Nous saisissons de cette occasion pour remercier de tout nos cœurs le gouvernement du Burundi qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir les efforts louables des uns et des autres dans la lutte contre le sida. Nous sollicitons toujours des appuis multiformes car le chemin à parcourir reste encore long. Malgré ces avancées significatives, les défis ne manquent pas. Le nombre élevé des enfants séropositifs chez les enfants de moins de 4 ans nés des mères séropositives est très élevé. D'autres constants d'un nombre élevé de cas de séropositivité sont observés dans la tranche des jeunes de 15 à 24 ans. D'autres cas élevés de séropositivité sont observés chez les professionnels de sexe et les prostituées. De fortes pluies mêlées de grêle et de vents violents au cours de la semaine écoulée ont endommagé des champs et maisons sur différentes collines de la commune Gashikano en province Ngozi. Selon l'administrateur de cette commune, Théophile Nibizi, plus de 600 hectares de cultures de maïs et maisons ont été sérieusement détruites et la population touchée demande une assistance indiquant qu'elle ne va rien récolter. Apollinaire Muzagara. Comme l'indique l'administrateur de la commune Gashikanwa, la pluie tombée ce 27 novembre a été la plus dévastatrice, selon Théophile Nibizi. Les collines les plus touchées sont Rutanga, Katukuza, Nini, Chihonda, Maruri et Kabamba. Ces fortes pluies mêlées de vents violents et grêles ont détruit des champs de maïs, haricots, manioc, caféiers, bananiers et autres sur une superficie de 344 hectares, Rutanga 150 hectares et 72 hectares à Nini. Au total sur cette colline, environ 600 hectares de cultures ont été détruits. Pas seulement les cultures, ces vents ont emporté 12 maisons, parmi lesquelles 3 salles de classe à Nini. La population victime de ces intempéries est désespérée car ces cultures ont été très sérieusement endommagées, d'où les craintes de la famine. Alors que la veille cultive, ces habitants de ces collines de la commune Gashikanwa demandent l'intervention des âmes charitables afin qu'ils ne meurent pas d'off. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et rendons-nous en province Gitega, capitale politique. La population burundaise est en grande partie constituée de jeunes d'au moins de 25 ans qui représentent 67% et cette structure démographique serait un atout au développement s'il est bien exploité. Le représentant provincial du Conseil national de la jeunesse du Burundi qui le dit regrette que la jeunesse burundaise fait face à différents défis dont le chômage. C'était au cours des activités de lancement d'un prototype d'une plateforme créée par des jeunes innovateurs de Gitega jeudi et vendredi dans cette province, Gérard Nibigira. Le représentant provincial du Conseil national de la jeunesse du Burundi à Gitega, Dr Laurier Ouayo, indique que les jeunes burundais font face à différents défis dont le chômage alors qu'ils représentent 67% de la population burundaise. Le Burundi est une nation jeune qui, avec 67% de la population, ont moins de 25 ans. Cette réalité démographique est un atout stratégique qui, s'il est bien exploité, pourrait transformer le Burundi en un modèle de développement inclusif. Cependant, nos jeunes font face à des défis majeurs tels que le chômage, la précarité économique, les inégalités de genre et un accès limité à des services de santé adéquats, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Il remercie les partenaires variés qui appuient la jeunesse burundaise dans ses activités. Votre appui technique et financier est inestimable. Il traduit non seulement votre foi à la jeunesse burundaise, mais aussi votre volonté de vouloir émerger en Burundi, où chaque jeune, quel qu'il soit son genre ou son origine, peut aspirer à un avenir meilleur. Il invite les jeunes à former des partenariats solides et partager leurs expériences. Je vous invite à saisir cette opportunité pour bâtir des partenariats solides, partager vos expériences et idées et renforcer vos compétences. Plus que jamais, il est temps de renforcer vos visions en actions concrètes et concrètes. Soyez les ambassadeurs de la lutte contre les violences basées sur le genre. Soyez également les porte-étendards de comportements responsables en matière de santé sexuelle et reproductive. De son côté, le conseiller socio-culturel du gouverneur de Gitega, Samuel Ninina Hazwe, remercie les ONG et pays comme respectivement CARE International et le Pays-Bas pour avoir appuyé les jeunes innovateurs de Gitega qui ont créé une plateforme appelée Gitega Innovation Network. C'est au moment où ce jeudi et ce vendredi, ces jeunes innovateurs de Gitega ont lancé cette plateforme et organisé une foire exposition. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Merci Gérard. C'est par ici que s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les titres. Le Burundi compte maximiser les revenus du secteur des mines et carrières en vue de booster l'économie nationale. Le Conseil des ministres tenu mercredi a ainsi adopté un projet de décret portant modalités d'application du Code des miniers du Burundi. Le ministère burundais de la Santé publique déplore que le pays comporte encore un nombre élevé d'enfants séropositifs chez les enfants d'au moins de 4 ans, ce que déclare Lidwin Nevaradana, ministre de la Santé de lutte contre le sida. Ce 1er décembre, le monde célèbre la journée de lutte contre le sida. Des pluies mêlées de grêle au cours de la semaine écoulée ont endommagé des cultures et maisons sur différentes collines de la commune Gashikanwa en province Ngozi. Et puis le président kenyan William Ruto est depuis ce 30 novembre président de la communauté est-africaine en remplacement du président du Sud-Soudan. C'est après le 24e sommet ordinaire des chefs d'État de cette communauté à Arusha en Tanzanie. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza.